Le Lys dans la vallée, chapitre 2. Une âme nouvelle, une âme aux ailes diaprées, avait brisé sa larve. Tombée des steppes bleues, où je l'admirais, ma chère étoile s'était donc faite femme, en conservant sa clarté, ses scintillements et sa fraîcheur. J'aimais soudain, sans rien savoir de l'amour. N'est-ce pas une étrange chose que cette première irruption du sentiment le plus vif de l'homme? J'avais rencontré dans le salon de ma tante quelques jolies femmes. Aucune ne m'avait causé la moindre impression. Existe-t-il donc une heure, une conjonction d'astres, une réunion de circonstances expresses, une certaine femme entre toutes, pour déterminer une passion exclusive? Au temps où la passion embrasse le sexe entier. En pensant que mon élu vivait en Touraine, j'aspirais l'air avec délice. Je trouvais au bleu du temps une couleur que je ne lui ai plus vue nulle part. Si j'étais ravie mentalement, je parus sérieusement malade, et ma mère eut des craintes mêlées de remords. Semblable aux animaux qui sentent venir le mal, j'allais m'accroupir dans un coin du jardin pour y rêver aux baisers que j'avais volés. Quelques jours après ce bal mémorable, ma mère attribua l'abandon de mes travaux, mon indifférence à ses regards oppresseurs, mon insouciance de ses ironies et ma sombre attitude aux crises naturelles que doivent subir les jeunes gens de mon âge. La campagne, cet éternel remède des affections auxquelles la médecine ne connaît rien, fut regardé comme le meilleur moyen de me sortir de mon apathie. Ma mère décida que j'irais passer quelques jours à Frapelle, château situé sur l'Indre, entre Montbazon et Azel-Rideau, chez l'un de ses amis, à qui sans doute elle donna des instructions secrètes. Le jour où j'eus ainsi la clé des champs, j'avais si drûment nagé dans l'océan de l'amour que je l'avais traversé. J'ignorais le nom de mon inconnue. Comment la désigner? Où la trouver? D'ailleurs, à qui pouvais-je parler d'elle? Mon caractère timide augmentait encore les craintes inexpliquées qui s'emparent des jeunes cœurs au début de l'amour et me faisaient commencer par la mélancolie qui termine les passions sans espoir. Je ne demandais pas mieux que d'aller, venir, courir à travers champs, avec ce courage d'enfant qui ne doute de rien et comporte je ne sais quoi de chevaleresque. Je me proposais de fouiller tous les châteaux de Touraine, en y voyageant à pied, en me disant à chaque jolie tourelle « c'est là ». Donc, un jeudi matin, je sortis de Tours par la barrière Saint-Éloi, je traversais les ponts Saint-Sauveur, j'arrivais dans Poncher en levant le nez à chaque maison et gagnais la route de Chinon. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'arrêter sous un arbre, marcher lentement ou vite, à mon gré, sans être questionné par personne. Pour un pauvre être écrasé par les différents despotismes qui peu ou prou pèsent sur toutes les jeunesses, le premier usage du libre arbitre, exercé même sur des riens, apportait à l'âme je ne sais quel épanouissement. Beaucoup de raisons se réunirent pour faire de ce jour une fête pleine d'enchantement. Dans mon enfance, mes promenades ne m'avaient pas conduit à plus d'une lieue hors la ville. Mes courses aux environs de Pont-le-Voy, ni celles que je fis dans Paris, ne m'avaient gâté sur les beautés de la nature champêtre. Néanmoins, il me restait, des premiers souvenirs de ma vie, le sentiment du beau qui respire dans le paysage de Tours avec lequel je m'étais familiarisé. Quoique complètement neuf à la poésie des sites, j'étais donc exigeant à mon insu, comme ceux qui, sans avoir la pratique d'un art, en imaginent tout d'abord l'idéal. Pour aller au château de Frapelle, les gens à pied ou à cheval abrègent la route en passant par les landes, dites de Charlemagne, terres en friche, situées au sommet du plateau qui sépare le bassin du Cher et celui de l'Indre, et où mène un chemin de traverse que l'on prend à Champy. Ces landes plates et sablonneuses, qui vous attristent durant une lieue environ, joignent par un bouquet de bois le chemin de Saché, nom de la commune d'où dépend Frapelle. Ce chemin qui débouche sur la route de Chinon, bien au-delà de Ballan, longe une plaine ondulée sans accident remarquable, jusqu'au petit pays d'Artham. Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire, et semble bondir sous les châteaux posés sur ces doubles collines. Une magnifique coupe d'émeraude au fond de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpent. À cet aspect, je fus saisi d'un étonnement voluptueux que l'ennui des Landes ou la fatigue du chemin avait préparé. Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, le voici. À cette pensée, je m'appuyais contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée. Sous cet arbre confident de mes pensées, je m'interroge sur les changements que j'ai subis pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dernier jour où j'en suis partie. Elle demeurait là. Mon cœur ne me trompait point. Le premier castel que je vis au penchant d'une lande était son habitation. Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de percale produisait le point blanc que je remarquais dans ses vignes, sous un albergier. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée, où elle croissait pour le ciel en la remplissant du parfum de ses vertus. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu, dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui partent de leur dentelle mobile se valent d'amour, par les bois de chêne qui s'avancent entre les vignobles sur des coteaux que la rivière arrondit toujours différemment, et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez là par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat des ailes en plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur. La vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnait une voix à cette vallée frémissante. Les peupliers se balançaient en riant, pas un nuage au ciel. Les oiseaux chantaient, les cigales criaient, tout y était mélodie. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Je l'aime moins que je ne vous aime, mais sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus. Sans savoir pourquoi, mes yeux revenaient au point blanc, à la femme qui brillait dans ce vaste jardin, comme au milieu des buissons verts, éclatait la clochette d'un convolvulus, flétrie si l'on y touche. Je descendis, l'âme émue, au fond de cette corbeille, et vis bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me fit trouver sans pareil. Figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, couronnés de quelques bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d'eau. Quel autre nom donner à ces végétations aquatiques, si vivaces, si bien colorées, qui tapissent la rivière, surgissent au-dessus, ondulent avec elle, se laissent aller à des caprices et se plient aux tempêtes de la rivière, fouettées par la roue des moulins. Çà et là s'élèvent des masses de gravier, sur lesquelles l'eau se brise en y formant des franges où reluit le soleil. Les amaryllis, le nénuphar, le lys d'eau, les joncs, les phlox décorent les rives de leur magnifique tapisserie. Un pont tremblant composé de poutrelles pourries, dont les piles sont couvertes de fleurs, dont les garde-fous plantés d'herbes vivaces et de mousses veloutées, se penchent sur la rivière et ne tombent point. Des barques usées, des filets de pêcheurs, le chant monotone d'un berger, les canards qui voguaient entre les îles ou s'épluchaient sur le jard, nom du gros sable que charrie la Loire, des garçons meuniers, le bonnet sur l'oreille, occupés à charger leurs mulets. Chacun de ces détails rendait cette scène d'une naïveté surprenante. Imaginez, au-delà du pont, deux ou trois fermes, un colombier, des tourterelles, une trentaine de masures séparées par des jardins, par des haies de chèvrefeuille, de jasmin et de clématite. Puis du fumier fleuri devant toutes les portes, des poules et des coqs par les chemins. Voilà le village de Pont-de-Ruan, joli village surmonté d'une vieille église pleine de caractère, une église du temps des croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs tableaux. Cadrez le tout de noyers antiques, de jeunes peupliers aux feuilles d'or pâle, mettez de gracieuses fabriques au milieu des longues prairies, où l'œil se perd sous un ciel chaud et vaporeux, vous aurez une idée d'un des mille points de vue de ce beau pays. Je suivis le chemin de Saché sur la gauche de la rivière, en observant les détails des collines qui meublent la rive opposée. Puis enfin, j'atteignis un parc orné d'arbres centenaires qui m'indiqua le château de Frapelle. J'arrivais précisément à l'heure où la cloche annonçait le déjeuner. Après le repas, mon hôte, ne soupçonnant pas que j'étais venue de Tours à pied, me fit parcourir les alentours de sa terre où de toutes parts je vis la vallée sous toutes ses formes. Ici, par une échappée, là tout entière. Souvent, mes yeux furent attirés à l'horizon par la belle lame d'or de la Loire, où parmi les roulées, les voiles dessinaient de fantasques figures qui fuyaient emportées par le vent. En gravissant une crête, j'admirais pour la première fois le château d'Azay, diamant taillé à facettes, serti par l'Indre, monté sur des piloutis masqués de fleurs. Puis je vis, dans un fond, les masses romantiques du château de Saché, mélancolique séjour plein d'harmonie, trop grave pour les gens superficiels, chers aux poètes dont l'âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimais-je le silence, les grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux épandu dans son vallon solitaire. Mais chaque fois que je retrouvais, au penchant de la côte voisine, le mignon castel aperçu, choisi par mon premier regard, je m'y arrêtais complaisamment. Hé, me dit mon hôte, en lisant dans mes yeux l'un de ces pétillants désirs, toujours si naïvement exprimés à mon âge, vous sentez de loin une jolie femme, comme un chien flaire le gibier. Je n'aimais pas ce dernier mot, et je demandais le nom du castel et celui du propriétaire. Ceci est Clochegourde, me dit-il. Une jolie maison appartenant au comte de Mortsauf, le représentant d'une famille historique en Touraine, dont la fortune date de Louis XI, et dont le nom indique l'aventure à laquelle il doit et ses armes et son illustration. Il descend d'un homme qui survécut à la potence. Aussi les Mortsauf portent-ils d'or à la croix, de sable alezé potencé et contrepotencé, chargé en cœur d'une fleur de lys aux pieds nourris, avec « Dieu sauve le roi notre sire » pour devise. Le comte est venu s'établir sur ce domaine au retour de l'émigration. Ce bien est à sa femme, une demoiselle de Lenoncourt, de la maison de Lenoncourt-Givry, qui va s'éteindre, madame de Mortsauf est fille unique. Le peu de fortune de cette famille contraste si singulièrement avec l'illustration des noms que par orgueil ou par nécessité, peut-être, il reste toujours à Clochegourde et n'y voit personne. Jusqu'à présent, leur attachement aux Bourbons pouvait justifier leur solitude, mais je doute que le retour du roi change leur manière de vivre. En venant m'établir ici l'année dernière, je suis allée leur faire une visite de politesse. Ils nous l'ont rendue et nous ont invités à dîner. L'hiver nous a séparés pour quelques mois. Puis les événements politiques ont retardé notre retour, car je ne suis à Frapelle que depuis peu de temps. Madame de Mortsauf est une femme qui pourrait occuper partout la première place. Vient-elle souvent à Tours ? Elle n'y va jamais, mais, dit-il en se reprenant, elle y est allée dernièrement, au passage du duc d'Angoulême, qui s'est montré fort gracieux pour monsieur de Mortsauf. « C'est elle ! M'écriai-je. Qui elle ? Une femme qui a de belles épaules. Vous rencontrerez en Touraine beaucoup de femmes qui ont de belles épaules, dit-il en riant. Mais si vous n'êtes pas fatiguée, nous pouvons passer la rivière et monter à Clochegourde, ou vous aviserez à reconnaître vos épaules. J'acceptais, non sans rougir, de plaisir et de honte. Vers 4 heures, nous arrivâmes au petit château que mes yeux caressaient depuis si longtemps. Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage, est en réalité modeste. Elle a 5 fenêtres de face, chacune de celles qui terminent la façade exposée au midi s'avance d'environ 2 toises, artifices d'architecture qui simulent 2 pavillons et donnent de la grâce au logis. Celle du milieu sert de porte, et on en descend par un double perron dans des jardins étagés qui atteignent à une étroite prairie située le long de l'Indre. Quoiqu'un chemin communal sépare cette prairie de la dernière terrasse ombragée par une allée d'acacia et de vernis du Japon, elle semble faire partie des jardins, car le chemin est creux, encaissé d'un côté par la terrasse et bordé de l'autre par une haie normande. Les pentes bien ménagées mettent assez de distance entre l'habitation et la rivière pour sauver les inconvénients du voisinage des eaux sans en ôter l'agrément. Sous la maison se trouvent des remises, des écuries, des resserres, des cuisines dont les diverses ouvertures dessinent des arcades. Les toits sont gracieusement contournés aux angles, décorés de mansardes à croisillons sculptés et de bouquets en plomb sur les pignons. La toiture, sans doute négligée pendant la Révolution, est chargée de cette rouille produite par les mousses plates et rougeâtres qui croissent sur les maisons exposées au midi. La porte-fenêtre du perron est surmontée d'un campanile où restent sculptés l'écusson des Blamont Chauvry, écartelés de gueules à un pal de verre, flanqués de 2 mains appaumées, de carnations et d'or à 2 lances de sable mises en chevron. La devise « Voyez tous, nul ne touche » me frappa vivement. Les supports qui sont un griffon et un dragon de gueule enchaînés d'or faisaient un joli effet sculpté. La Révolution avait endommagé la couronne ducale et le cimier qui se compose d'un palmier de sinople fruité d'or. Senard, secrétaire du comité de salut public, était bailli de Saché avant 1781, ce qui explique ces dévastations. Ces dispositions donnent une élégante physionomie à ce castel, ouvragé comme une fleur, et qui semble ne pas peser sur le sol. Vu de la vallée, le rez-de-chaussée semble être au premier étage, mais du côté de la cour, il est de plein pied avec une large allée sablée, donnant sur un boulingrin animé par plusieurs corbeilles de fleurs. À droite et à gauche, les clos de vignes, les vergers, et quelques pièces de terre labourables, plantées de noyers, descendent rapidement, enveloppent la maison de leur massif et atteignent les bords de l'Indre, que garnissent en cet endroit des touffes d'arbres dont les verts ont été nuancés par la nature elle-même. En montant le chemin qui côtoie Clochegourde, j'admirais ces masses si bien disposées, j'y respirais un air chargé de bonheur. La nature morale a-t-elle donc, comme la nature physique, ses communications électriques et ses rapides changements de température? Mon cœur palpitait à l'approche des événements secrets qui devaient le modifier à jamais, comme les animaux s'égaient en prévoyant un beau temps. Ce jour si marquant dans ma vie ne fut dénué d'aucune des circonstances qui pouvaient le solenniser. La nature s'était parée comme une femme, allant à la rencontre du bien-aimé. Mon âme avait pour la première fois entendu sa voix. Mes yeux l'avaient admirée aussi féconde, aussi variée que mon imagination me la représentait dans mes rêves de collège, dont je vous ai dit quelques mots inhabiles à vous en expliquer l'influence, car ils ont été comme une apocalypse où ma vie me fut figurativement prédite. Chaque événement heureux ou malheureux s'y rattache par des images bizarres, liées invisibles aux yeux de l'âme seulement. Nous traversâmes une première cour entourée des bâtiments nécessaires aux exploitations rurales, une grange, un pressoir, des étables, des écuries. Averti par les aboiements du chien de garde, un domestique vint à notre rencontre et nous dit que monsieur le comte, parti pour Azay dès le matin, allait sans doute revenir, et que madame la comtesse était au logis. Mon hôte me regarda. Je tremblais qu'il ne voulût pas voir madame de Mortsauf en l'absence de son mari, mais il dit au domestique de nous annoncer. Poussé par une avidité d'enfant, je me précipitais dans la longue antichambre qui traverse la maison. « Entrez donc, messieurs, » dit alors une voix d'or. Quoique Madame de Mortsauf n'eût prononcé qu'un mot au bal, je reconnus sa voix qui pénétra mon âme et la remplit comme un rayon de soleil remplit d'or le cachot d'un prisonnier. En pensant qu'elle pouvait se rappeler ma figure, je voulus m'enfuir. Il n'était plus temps. Elle apparut sur le seuil de la porte. Nos yeux se rencontrèrent.